L'Hôtel des Vosges. At the Hôtel des Vosges, it's the next morning, Tuesday morning, and George is woken from a deep sleep by a telephone call. Yes, hello? Bonjour, il est 8 heures. What? Bonjour, il est 8 heures. What are you saying? Can you speak? Bonjour, il est 8 heures. Oui, la réception. Hello? It's okay. Sorry. Monsieur, il y a un appel pour vous. What? Un appel téléphonique pour vous. Bonjour, Monsieur Wickham. Hélène, is that you? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? What? How are you? Well, fine, thanks. Where are you? Je suis ici, à l'hôtel. In the hotel. Where? À la réception. You're here? Bien sûr. It is time for breakfast. Le petit déjeuner, n'est-ce pas?